bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin. J'ai rêvé toute ma vie d'être un jour incarcéré dans une forteresse pendant un an pour ne pas avoir à m'organiser et pour n'avoir rien d'autre à faire que de penser et réfléchir. Mais un an, pas une vie. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, nous sommes en direct ce samedi matin devant le public des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, notre festival dont l'énergie vient de résister à tous les assauts du virus ennemi. Et c'est Jean-Paul Demoule, préhistorien et archéologue réputé, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que j'ai convié à mon micro. Je l'ai fait parce que j'ai été frappé par de récents écrits de sa plume, des écrits qu'il a publiés dans la collection des Tracts de Gallimard ou dans les numéros de septembre de la revue Histoire consacrée à la pandémie. Il y défend une thèse originale à propos du confinement qui vient de nous être imposé et qui risque de l'être à nouveau. Il voit nos semblables évoluant depuis la naissance de l'agriculture et depuis les débuts de la sédentarisation vers un mode de vie de plus en plus resserré sur lui-même. Si bien que l'épisode récent, bien loin de constituer une parenthèse exceptionnelle, ne serait en somme qu'une sorte d'aboutissement extrême, caricatural, mais révélateur d'une tendance plurimillénaire. On le vérifierait par exemple, et notamment, dans l'évolution des habitats, dans le fonctionnement des transports, dans les rapports avec les animaux, dans l'organisation du travail, dans la variété des distractions et même dans le déroulement des conflits armés. Cette idée est au premier regard paradoxale. Paradoxale en un siècle, le nôtre, qui semble caractérisé, du moins jusqu'aujourd'hui, par les formes les plus diverses de la mondialisation, de la circulation accélérée des produits, des hommes et des informations tout autour de la planète, sans compter les maladies, comme nous le voyons par les temps qui courent. Donc on peut être tenté d'abord de regimber contre les convictions de Jean-Paul Demoule. Mais les objections qu'il me reviendra de lui opposer ne nous rendront que plus curieux, je pense, de la démonstration qu'il va développer. Et vous jugerez. Dans quelques minutes, il sera midi. Des mesures de confinement strictes, les plus strictes d'Europe, seront mises en œuvre. J'en ai détaillé le contenu. Permettez-moi de préciser à nouveau ces mesures qui doivent absolument être connues de nos concitoyens pour être respectées. Les règles sont simples, mais la règle générale est plus simple encore. Restez chez vous. C'est ainsi que vous pourrez aider à stopper la propagation du virus. C'est ainsi que vous pourrez venir en aide à nos personnels soignants et à notre système de santé. C'est ainsi que vous serez des alliés de notre guerre contre le Covid-19. C'est pourquoi, à partir de midi, et pour une durée de 15 jours qui pourra être prolongée en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, tous les déplacements doivent être réduits à leur strict minimum. Je le répète, restez chez vous. Car rester chez soi aujourd'hui et dans les prochains jours, c'est sauver des vies. Bien sûr, quelques exceptions peuvent être tolérées. Il conviendra, je le répète, de limiter au maximum les sorties et toute activité collective. Elles restent et elles sont interdites. Pour vous donner quelques exemples concrets, le repas de famille, les dîners entre amis, le match de foot avec quelques amis, les retrouvailles pour une partie de cartes, tout ce qui peut paraître anodin en temps normal est interdit. Ça n'est pas seulement déconseillé, c'est interdit. Alors oui, les sacrifices sont importants. La décision est difficile, mais nous la prenons en responsabilité. Il est question de vie et de mort. Il n'y a pas, au fond, de difficulté à comprendre cette règle. Au fond, chacun peut s'engager pour son pays, peut s'engager pour les autres. Et la règle est simple. Il suffit de rester chez soi. Jean-Paul Demoule, bonjour. Bonjour. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous avez reconnu la voix du précédent ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'exprimait le 17 mars 2020 à l'occasion de l'émergence de l'épidémie de la Covid-19. J'ai choisi ce texte plutôt que celui du président Macron parce que le chef de l'État avait évité, probablement délibérément, d'employer le mot « confinement », qui ici, au contraire, est présent, je dirais, en majesté. Jean-Paul Demoule, d'où vient le mot, d'ailleurs, confinement ? De finis, la frontière. Donc, il s'agit de rester à l'intérieur de ces frontières qui, justement, n'ont fait que se restreindre au fil de l'histoire, comme on va sans doute le voir aujourd'hui. Alors, cette conviction que vous allez nous proposer, que vous allez développer avec l'autorité qui est la vôtre, vous l'avez conçue depuis longtemps ? Non, c'est au moment du confinement où effectivement on avait le temps de penser. Voilà. J'étais content au départ puisque toutes mes conférences étaient annulées, donc je pouvais rester chez moi tranquillement. Mais du coup, il n'y avait rien d'autre à faire que de penser et d'écrire. Et donc, c'est une des éditrices de Gallimard qui, me montrant qu'il y avait ces tracts qui sortaient, m'a dit « Mais si vous réfléchissiez sur la préhistoire du confinement, ce que j'ai fait. » Et on est là à la rencontre, évidemment, comme si souvent chez nous, entre l'histoire et la géographie, c'est-à-dire l'espace et la très longue durée, dont vous êtes un docteur, un spécialiste, bien sûr. Alors, nous avons commencé par remonter loin en arrière, c'est-à-dire à l'époque du paléolithique. Et puis ensuite, on montrera, c'est un de vos soucis majeurs, à quel point l'époque du néolithique est importante pour notre sujet. Mais enfin, restons un instant pour le paléolithique. Et j'ai envie de vous interroger d'abord sur les animaux, parce qu'il y a eu un lien évident entre la mobilité des humains et celle des animaux. Oui, parce que la plupart des animaux, comme les premières formes humaines, tant que nous avons été chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire pendant 99,9% de notre existence humaine, se déplacent à l'intérieur d'un territoire, mais d'un territoire donné, justement, avec des frontières finissent. Mais un certain nombre d'animaux migrent, en général à des fins de reproduction et aussi liées au climat. Donc il y a tous les oiseaux migrateurs qu'on connaît, il y a les rennes, il y a des cétacés, il y a des tortues marines, il y a les anguilles, les saumons qui vont remonter les rivières pour pondre. Donc il y a un certain nombre d'espèces qui sont animales qui sont effectivement migratrices. Mais la plupart, et si on prend nos cousins les primates, se déplacent à l'intérieur d'un territoire et vont bouger en fonction à la fois chaque jour pour leur alimentation et ensuite dormir et pour se déplacer en fonction des ressources saisonnières. Alors dans notre compétence acquise ou dans notre mythologie, on voit toujours les grottes qu'on a découvertes qui donnent un sentiment déjà de confinement ou en tout cas de localisation très très spécifique. Première archive, après celle du ministre Castaner, première archive est l'extrait d'une émission de Pierre Ichac de 1948. J'aime bien ces émissions anciennes qui ont vraiment un ton d'époque, vous allez voir. Elle était consacrée aux empreintes préhistoriques qui avaient été découvertes dans la grotte de Fauzan durant l'été 1948. C'est un extrait de l'émission « Ainsi va le monde », donc janvier 49. Eh bien, savez-vous que la France a été, voici quelques mois, le théâtre d'une très grande, d'une extraordinaire découverte de préhistoire. C'est en effet au cours de l'été de 1948 qu'un spéléologue français, l'abbé Catala, explorant un étage inconnu et d'accès, d'ailleurs exceptionnellement difficile, de la grotte de Fauzan dans l'Hérault, y a découvert intact d'admirables empreintes de pas laissées dans la glaise par des hommes et des animaux de l'âge de la pierre taillée. L'abbé Catala a bien voulu, voici quelques jours, guider le profane que je suis dans l'étroite chatière qui donne accès à sa grotte et m'admettre à la contemplation de ce souvenir, je dirais, ce souvenir charnel, de ce message bouleversant d'un monde disparu depuis des dizaines de millénaires. Je voudrais d'abord que vous puissiez imaginer le couloir obscur, mal illuminé par les lampes à acétylène, des traces charbonneuses sur la paroi, là où les visiteurs du passé ont mouché leurs torches de genévrier. Et plus loin, les empreintes depuis longtemps fossilisées des pieds nus qui furent vivants. Des hommes sont passés là. Toutes ces reliques, enfermées, murées, scellées par le hasard, et échappant aux dégradations et aux destructions de l'histoire, jusqu'à l'été de 1948. Maintenant, autre chose, les empreintes humaines imprimées dans le sol de Fauzan sont peu nombreuses. Il s'agit probablement d'une demi-douzaine d'individus, grands et petits, probablement là-dedans un enfant de 5 ans. On est porté à croire qu'il s'est agi, en somme, d'une ou plusieurs explorations menées par un groupe de jeunes, à une époque extrêmement reculée. Rien d'étonnant, parce que la spéléologie ait été le sport favori de l'homme des cavernes. Une parenthèse, Jean-Paul Demoule, l'abbé Catala, on a l'impression qu'il y a un grand nombre d'abbés dans ces recherches préhistoriques. Comment expliquez-vous cela? Il y a une explication scientifique? Sociologique, en tout cas, la préhistoire sur le sol métropolitain était considérée comme l'affaire des amateurs. La vraie archéologie, c'était l'Orient, la Grèce et Rome. Si on va au musée du Louvre, il n'y a que l'Orient, la Grèce et Rome. Donc, c'était des notables intéressés à leur terroir qui ont fait les premières recherches archéologiques et préhistoriques en général. Donc, ces notables qui avaient du temps, c'était notamment les curés, donc on connaît bien l'abbé Breuil, les abbés Buissonni, etc. Il y a eu beaucoup de curés, sinon c'était des médecins et des instituteurs. Alors, Pierre Ishak nous dit des hommes sont passés là. Ils sont passés là, mais toute la question qui nous concerne, c'est de savoir s'ils sont restés longtemps et si c'était un pré-confinement. C'est quand est-ce qu'ils étaient là? On avait parfois l'idée qu'ils étaient regroupés là, un peu frileusement, et qu'ils sortaient à peine de temps en temps. Fausse idée, non? Ça se termine par les hommes des cavernes, qui est effectivement le nom qu'on leur a longtemps donné, parce que les cavernes, effectivement, les grottes, c'est ce qu'il y a de plus facile à voir, à trouver, et puis c'est là qu'on a trouvé les peintures et les gravures. Mais en fait, ils ne vivaient pas du tout dans des grottes, ils vivaient en plein air, dans des abris, comme des yourtes, des tipis, comme la préhistoire l'a bien montré depuis trois ou quatre décennies. Donc c'était effectivement une image tout à fait erronée. Cette grotte dite de Fauzan, là, dans le reportage, elle est plus connue sous le nom de la grotte d'Alden, hein, c'est dans l'Hérault. Elle est occupée dès 500 000 ans avant notre ère, donc c'était encore des formes antérieures à Homo sapiens. Et puis il y a des gravures très connues qui datent sans doute des environs de 30 000 ans. Et puis les traces de pas sont plutôt de la période qu'on appelle dans notre jargon le Mésolithique, vers 8000, 7000, et effectivement c'est toujours émouvant de voir ces traces de pas dans la glaise, parce que je ne dirais pas face à face puisque c'est des pieds, mais on est en face de vrais événements humains, même momentanés. Alors, rappelez-nous la chronologie. Donc, Homo erectus, 2 millions d'années, c'est ça? Homo sapiens. Les premières formes humaines, c'est 7 millions d'années en Afrique. Évolution complètement buissonnante. C'est pas du tout la ligne avec le singe qui se redresse et qui finit avec l'homme blanc barbu, une lance à la main. Allez bannir ça de vos convictions, c'est promis? Oui. Donc c'est un buissonnement et des métissages permanents, et à partir de 2 millions d'années, on arrive à Homo erectus, et certains Homo erectus sortent d'Afrique pour se répandre dans l'ensemble de l'Eurasie. Évoluent ensuite les erectus européens donnent à partir de 300 000 ans ce qu'on appelle l'homme de Néandertal. On dit pas erecti en latin? S'il y en a plusieurs, oui. Et non, je veux pas jouer les maîtres, les régents de collège, mais enfin, non, dans votre bouche, ça me surprenait. Erectorum au génitif pluriel. 15 pour vous. Voilà. Nous savons maintenant de qui vous parlez, alors. Voilà, vous développez votre propos. Européen, évolue en Néandertal à partir de 300 000 ans. Évidemment, ça prend des dizaines de milliers d'années. En Asie, c'est une nouvelle espèce qu'on connaît seulement depuis une dizaine d'années, qui s'appelle l'homme de Denisova. Et ceux qui sont restés en Afrique évoluent en Homo sapiens, qui sont identifiés à partir d'il y a à peu près 300 000 ans. Et ces sapiens, à leur tour, vont sortir d'Afrique entre 200 000 ans, 150 000 ans. Ils se précipitent pas du tout vers le Loir-et-Cher, mais ils partent d'abord en Australie, qui est occupée par des sapiens dès 60 000 ans. Et ce qui suppose aussi la maîtrise de la navigation. Et puis vers 40 000 ans, certains d'entre eux arrivent en Europe et se croisent, rencontrent des Néandertaliens. On a remarqué d'ailleurs que les... C'est nouveau ça, parce que pendant longtemps, on nous avait expliqué que c'était deux lignées complètement séparées. Oui, qui n'avaient rien à voir, parce qu'on n'avait pas envie, surtout qu'il était très bestialisé dans les représentations néandertales. Maintenant, il est devenu sympathique, il est quasiment... Il a repris du poil de la bête, c'est voilà, une formule peut-être qui est malheureuse. Et bizarrement, c'est plutôt les femmes sapiens qui se sont croisées avec des néandertaliens que l'inverse. Elles étaient... Comment elles s'étendent? Et par la génétique, effectivement, par les miracles de la génétique. Donc ça s'est plutôt fait dans ce sens-là. Même chose avec les Denisoviens et les croisements néandertal-denisoviens. Voilà. Et puis progressivement, nous, on a éliminé les néandertaliens, on ne sait pas encore comment. Et pour la première fois dans l'histoire du monde, depuis peut-être 20 ou 30 000 ans, on est tout seul, espèce orpheline, comme on l'a quelquefois dit, ce qui est quand même assez triste, alors qu'il y a toujours eu plusieurs espèces humaines. Il y a 100 000 ans, il y avait au moins 5 ou 6 espèces humaines, parce qu'on en découvre très régulièrement. Et donc, de même qu'on est en train d'éliminer une bonne partie de la faune et de la flore, on a aussi éliminé les autres, mais dans des circonstances qui sont encore pas claires. Donc vous trouvez que c'est très triste, que c'est très triste? Bah oui, d'être tout seul, oui. Même à 7 milliards, c'est quand même... Alors votre thèse principale, Jean-Paul Demoule, c'est que pendant très très longtemps, les hommes étaient nomades. Oui. Et vous distinguez dans vos écrits quatre formes de nomadisme. Alors s'il vous plaît. Il y a le nomadisme effectivement à l'intérieur d'un territoire comme les chimpanzés qui vont être un nomadisme saisonnier en fonction des ressources. À quelle distance en général? Ça peut être quand même plusieurs dizaines de kilomètres pour à l'intérieur de ce qu'on a par exemple dans le bassin parisien, où on peut repérer les déplacements en fonction des outils en silex qu'on va retrouver qui viennent de telle ou telle région, etc. C'est des campements, donc les sapiens il y a 15 000 ans dans le bassin parisien et sans doute en bord de Loire se déplaçaient en fonction puisqu'on est dans une période froide jusqu'à il y a 10 000 ans, se déplaçaient par exemple en fonction de la migration des rennes pour la chasse aux rennes en fonction de telle ou telle plante. Donc c'est ce qui a été le lot de l'humanité, se déplacer effectivement de manière très journalière et saisonnière, mais à l'intérieur d'un territoire. Le deuxième, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire des migrations extrêmement lentes. À chaque génération, certains vont un peu plus loin, et c'est comme ça que l'Eurasie a été conquis d'abord par les Grecs. Oui, c'est Erectibus. Nous vous comprenons, voilà. Persévérer. C'est l'ablatif, c'est l'ablatif, voilà. Et Sapiens derrière va aller jusqu'à conquérir les Amériques qui jusqu'à partir de peut-être 20 000 ans qui jusqu'à présent étaient vides d'humains, et ça va entraîner la disparition d'ailleurs d'une grande partie de la faune. Donc c'est le deuxième type de migration, mais qui est extrêmement lente. Après il y a des migrations plus rapides qui vont être les colonisations européennes notamment, donc qui ont très souvent une forme guerrière. Et puis quatrième type de migration, c'est ce qu'on connaît encore un tout petit peu, qui sont la transhumance qui existe encore un petit peu en France, sauf qu'elle se fait plus à pied mais en camion maintenant, et qui était très traditionnelle dans les Balkans, mais qui après au moment de la guerre froide ça a imposé des limites politiques. Alors en fait, on va ensuite sortir progressivement de ce moment où les hommes cessent d'être immergés dans la nature pour pouvoir commencer à la dominer, en fait, à la domestiquer. Et c'est ce passage qui est dans votre thèse très très important. Vous nous rappelez que dans la Bible, l'agriculture, je ne savais pas cela, apparaissait comme une malédiction. Mais oui, absolument. Quand à cause de Ève, hein, il faut le rappeler, parce que Adam n'était pas du tout pour. Dans la plupart des mythologies, la faute, c'est les femmes. C'est que chez les Grecs, c'est Pandore. Et il y a beaucoup de mythologies qui disent qu'au début, les femmes avaient le pouvoir, mais elles se sont tellement mal servies que les hommes ont été à leur corps défendant, leur ont repris. Nous avons traité de cela la semaine dernière, donc je n'y reviens pas. Ah bon, d'accord. Non, mais enfin, je pouvais y revenir, si je veux dire, je n'y reviens pas en détail. D'accord. Sur Ève et Lilith. Oui, et donc il consomme le fruit de défendu et Dieu dit tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, tu cultiveras le sol et toi Ève, tu accoucheras dans la douleur. C'est pour ça que le Vatican était contre l'accouchement sans douleur justement pendant longtemps. Dans les années 50, voilà. Mais on s'écarte un peu là. Donc on y revient, c'est mon rôle modeste, mais consiste à retrouver la ligne qui est la nôtre. Oui. Et pour montrer le passage entre cette période de nomadisme sous toutes les formes que vous venez de dire, au moment où, dans les derniers millénaires, n'est-ce pas, auxquels vous attachez beaucoup d'importance et auxquels vous avez consacré beaucoup de cours, il y a ce passage que résume, je pense, je me dirais si vous rejoignez cette analyse, je le pense à vrai dire, que résume le fameux Théodore Monod, vous savez, l'explorateur au Sahara, écologiste, etc., qui a vécu très très longtemps pour défendre ses thèses. Il est mort en 2000 à 98 ans et qui, dans une interview brève que vous allez entendre, développe l'idée qu'à un moment donné, le monde a été révolutionné lorsque l'homme est devenu sédentaire. Et alors il s'est passé un néolithique, quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'on appelle cette période de la préhistoire la révolution néolithique. À partir de cette période-là, qui n'est pas vieille, quelques milliers d'années, l'homme a disposé de la céramique, une céréale ou plusieurs peut-être. Jusqu'alors, il y avait des céréales, mais des céréales de récolte sauvage. L'animal domestique, c'est immédiatement la force motrice naturellement pour bien des choses. Et ça a révolutionné le monde et ça a permis en particulier à l'homme de devenir sédentaire. Ça a été l'origine du village, de la ville. Et une ville, qu'est-ce que c'est qu'une ville? Une ville, c'est un palais, c'est un temple, une caserne, comme par hasard, une prison et un mauvais lieu. Ça, c'est la civilisation, avec un C majuscule. C'est celle qui est encore la nôtre aujourd'hui. Donc, rupture, d'après Théodore Monod, arrivé à notre civilisation à ce moment-là, apparition de la vie, de la maison en dur. Oui, exactement à ce moment-là et de manière indépendante dans plusieurs régions du monde. Alors pourquoi à ce moment-là? Puisque je disais tout à l'heure que Sapiens existait depuis 300 000 ans. Parce que Sapiens, sur ces 300 000 ans, il continue à évoluer, mais c'était une évolution très lente et un des symptômes d'un cerveau de plus en plus complexe, c'est l'apparition de la figuration il y a à peu près 40 000 ans. Il y aurait sans doute d'autres symptômes. Mais on voit qu'il est plus compliqué, qu'il est capable de représenter des choses qui ne sont pas là, de se représenter lui-même. C'est pas forcément un avantage d'avoir un cerveau de plus en plus compliqué. Plus il est compliqué, plus il est fragile, l'inconscient, la part obscure, etc. The dark side. Vous en direz tant. Chacun s'efforcera de ne pas compliquer son cerveau. Vous voulez bien revenir à la ligne? Voilà, c'est ça. Eh bien, donc, ce cerveau plus complexe d'il y a 40 000 ans, il se trouve pendant la dernière glaciation, période froide. La Terre est marquée par des alternances de périodes froides et glaciations, des interglaciaires. Nous vivons actuellement dans un interglaciaire. Et donc, il était pendant il y a 40 000 ans, il est en pleine interglaciaire. Et il y a 12 000 ans, de nouveau, ces alternances sont dues à des oscillations de l'axe de la Terre par rapport au Soleil. On est de nouveau dans un interglaciaire. Et là, de manière indépendante en quelques millénaires, sur tous les continents, apparaît très progressivement la domestication des animaux et des plantes. Et donc, au lieu de se vivre comme une espèce immergée dans la nature, qui se pense comme une espèce animale parmi d'autres, puisqu'il représente essentiellement des animaux, il se pense à travers les animaux. Les chasseurs-cueilleurs pratiquent souvent le totémisme, c'est-à-dire que chaque groupe descend d'un ancêtre mythique, souvent un animal. Là, il va passer à la domination progressive. Alors les certains chasseurs-cueilleurs domestiquent des animaux, mais pas pour les manger, c'est un peu marginal. Le loup a été transformé en chien il y a déjà peut-être 20-25 000 ans par certaines peuplades de chasseurs-cueilleurs, mais ça s'arrêtait là. Là, ça, on les poursuivait, donc c'était pas c'est le contraire du confinement. Tandis que là, nous arrivons au moment et la ville, la ville, la maison en dur, c'est quelque chose d'important pour notre sujet. Oui, absolument. Jusque-là, justement, tant que l'homme est nomade, il va avoir des maisons souples, soit recréées à chaque fois, soit transportées avec lui, type yourte ou tipi. Là, à partir du moment où il domestique les animaux, c'est-à-dire au lieu de courir après, il les enferme à côté de chez lui, et pour les plantes, pareil, au lieu d'aller en chercher, de chercher ce qui l'intéresse, il va les planter devant sa porte. À ce moment-là, ça va changer radicalement. Pour se nourrir, on n'a plus besoin de bouger, on va seulement dans les champs ou dans les prés, et puis autour, il reste une nature sauvage qu'on peut encore, où on va chasser, mais un peu à la marge. Dès le néolithique, le début, donc l'agriculture sédentaire, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le néolithique, c'est la chasse très vite occupe une place très très marginale, et tous ces espaces sauvages vont progressivement au fil du temps être réduits jusqu'à ce qu'on se rapproche de plus en plus des chauves-souris par exemple, et que la nature n'existe plus que sous forme de réserves naturelles, réserves de chasse, parcs nationaux, et complètement sous contrôle avec des espèces animales qu'on décompte, qu'on prélève, comme on dit. Donc sur le long terme, ça veut dire qu'on va vers votre confinement. La maison apparaît à ce moment-là, mais elle n'est pas encore un lieu très très privé. Elle est ouverte. On n'est pas encore dans la chambre célébrée magnifiquement par Michel Perrault. Non. Au début, c'est plutôt des maisons collectives. Ça dépend des climats. Donc ça bouge du point de vue. C'est moins confiné. Oui. C'est un peu moins confiné. Là, on a des exemples en Amazonie ou en Papouasie chez les dernières populations traditionnel quand même pu observer, par exemple, on ne peut pas faire l'amour à l'intérieur de la maison, donc il faut aller dans la forêt, c'est pas un lieu très privé, effectivement. Donc ça, c'est une différence avec la période récente, contemporaine. Oui, on peut encore aller dans les bois, mais normalement, c'est pas... Alors, il y a un autre aspect de cette création des villes, c'est évidemment l'évolution des maladies, ce qui nous concerne assez directement. Les maladies nouvelles sont favorisées par des concentrations humaines croissantes, par ce début d'esquisse d'un confinement. Oui, parce que on peut voir, la biologie montre que les maladies existaient chez les chasseurs-cueilleurs, mais si un groupe de chasseurs-cueilleurs croisait un pangolin ou une chauve-souris, peut-être la moitié du groupe mourait, l'autre moitié en était prémunie, mais ça ne concernait que quelques dizaines de personnes. Enfin, les chiffres, nous tenons à nous en tenir éloignés, si vous voulez, le pourcentage. Oui. La moitié, vous disiez. Je disais la moitié. Mais c'était pas beaucoup. Chiffre absolu, mais oui, bon. À l'époque, au moment où l'agriculture va commencer, il y a 1 ou 2 millions d'humains sur toute la planète, hein, pas plus. Donc en 10 000 ans, c'est-à-dire rien, 4% de la durée de l'existence d'Homo sapiens, en 10 000 ans, on va passer de 1 ou 2 millions à 7 milliards. Et de groupes très peu différenciés, quand on compare les tombes les unes avec les autres, à la situation actuelle où 1% de l'humanité possède 50% des richesses. Donc cette concentration forcée des humains et des animaux entraîne le développement de maladies, la tuberculose liée aux bovins, la brucellose liée aux moutons, sans compter les animaux dits commensaux, c'est-à-dire ceux qui s'invitent tout seuls, donc les rats avec leurs puces, les pigeons qui sont des sortes de rats volants, les blattes, les cafards, etc. On a cette concentration qui en plus va être favorisée parce que les humains ne bougent pas et ils sont de plus en plus nombreux. Donc dès ce moment-là, vous considérez qu'on marche vers le confinement, c'est ça l'accélération? Sauf qu'on est déjà confiné, mais on va se confiner encore plus puisque les épidémies vont se développer à partir de ce moment-là. J'ai lu aussi que vous analysiez l'apparition de l'écriture comme une des composantes d'une réflexion sur le confinement. Parce que les signes abstraits existaient, mais l'écriture apparaît vers 3000, à peu près, 3500. De 3500, à partir du moment où vous avez des villes et des états, déjà la ville par rapport au village, c'est un progrès, si j'ose dire, de plus dans le confinement, puisque vous êtes dans un village, tout le monde est paysan, et vous déplacez quand même pour aller chercher votre alimentation. À partir du moment où il y a des villes, les paysans ils sont autour, mais les urbains, eh bien la nourriture elle vient tout seul avec le commerce, les boutiques, etc. Et c'est là qu'apparaissent les États. On pouvait se transmettre dans des communautés traditionnelles des informations orales, y compris des épopées, des textes religieux, etc. Mais en bougeant, on était obligé de bouger, parce que maintenant on n'est plus obligé. Mais là maintenant, on peut envoyer des messages. C'est ça, si on veut gérer une société très nombreuse, il faut effectivement l'écriture pour savoir qui a payé ses impôts, à qui appartient. Etc. Et donc on peut communiquer également sans se déplacer à partir de ce moment-là avec l'écriture. On nous dit que dans l'Empire Inca encore, on communiquait à partir du centre avec des coureurs à pied qui couraient très très vite, mais en 30 km, et repassaient oralement un message à un autre. Ça devait peut-être faire un peu ce qu'on appelait, quand j'étais petit, téléphone arabe, c'est-à-dire le message au bout devait être un peu déformé. Mais néanmoins, cela est un aspect de votre démonstration. Oui, c'est ça. C'est à partir de là, on a de la communication qui n'est plus face à face, en présentiel, comme on dit maintenant, mais on pouvait se communiquer. S'abstenir, oui, en présence, quoi, tout simplement. Mes collègues, enseignants disent en démerdentiel pour leur cours. Je vous abandonne cette dénomination. On est passé progressivement du papyrus au parchemin. Oui, ça dépend aussi de ce qu'on avait sous la main, mais au parchemin, puis au papier, et puis effectivement, comme il y a de plus en plus d'humains et de plus en plus d'informations, c'est là que l'imprimerie vient à nos amis chinois, et puis on arrive à l'informatique. À vous lire, on se déprend de l'idée que les choses seraient progressées de façon linéaire. Il y a eu des grandes variétés suivant les régions et les espaces dans la... Oui, bien sûr. Dans la promptitude de ce changement. Oui, l'écriture, elle apparaît qu'avec les États, et elle disparaît d'ailleurs quand un système étatique s'écroule comme la Crète et Mycène vers moins 1200, ce qu'on appelle l'écriture qu'on appelait linéaire A, linéaire B disparaît. Même chose pour la civilisation de l'Indus vers moins 1700. Donc les techniques vont s'adapter aux organisations sociales qui les nécessitent. L'histoire des communications depuis ce temps-là, depuis les coureurs Inca jusqu'au télégramme Chap, jusqu'au système des nouvelles technologies, c'est quelque chose de très durable et de très fascinant. Mais avant de développer cela, je voudrais parler avec vous de ce que sont les effets de la révolution industrielle. Mmh. Et pour ouvrir ce moment de notre conversation, un extrait d'un roman moins connu que d'autres de Jules Verne, « La maison à vapeur ». C'est l'extrait d'une adaptation de ce roman pour la radio. En août 1951, il s'agit d'un Raja en Inde qui discute avec un ingénieur occidental et qui, à propos d'une idée qu'il a d'une maison mobile, un éléphant, etc., pose assez bien les questions qui nous occupent ce matin. France Culture, concordance des temps. Jean-Noël Jeannet. Figurez-vous que je suis malheureux, monsieur Barnes. Oh, si. Mais si, si. Très malheureux. Je m'ennuie. Je voudrais voyager. C'est facile. Nous serions heureux de mettre un train spécial à la disposition de votre Altesse. Sur vos chemins de fer, monsieur Barnes? Évidemment, sire. À quoi bon être Raja s'il faut suivre la route de tout le monde et voyager comme tout le monde, regarder les mêmes collines et les mêmes forêts du même point de vue par les mêmes fenêtres? Alors je ne vois pas en quoi je peux être utile à votre Altesse. Et mais si, monsieur Banshee, mais si. Figurez-vous que j'ai eu une idée. D'une part, j'aime une chose que j'ai, le luxe et sa douceur. D'autre part, je rêve d'un horizon qui change indéfiniment selon mon bon plaisir. Pourquoi n'essaierais-je pas de concilier les deux? Pourquoi n'aurais-je pas un palais mobile à mon gré qui puisse m'emmener sur toutes les routes, traverser les jungles, escalader les montagnes? Tenez, je ne me suis pas contenté de rêver, j'ai dessiné mon rêve. Regardez ce dessin. Permettez. Mais c'est un éléphant. Un éléphant qui traîne deux espèces de pagodes. Pauvre éléphant, il n'y arrivera jamais. Si c'est un éléphant banal, monsieur Vance, un éléphant comme tous les autres. Mais si c'est un éléphant de fer, monsieur l'ingénieur, si vous enfermez dans ses flancs une de ces machines qui remorque vos trains. Sire, vous ne vous rendez pas compte. Nos machines ne seront pas assez perfectionnées avant un demi-siècle. Je ne suis plus jeune, monsieur Banks, et je ne peux pas attendre si longtemps. Je vous donne 2 ans. C'est que je croyais que les ingénieurs anglais ne reculaient devant aucune difficulté. Vous avez raison, sire. Le moins possible n'est pas anglais. Alors voilà, ça nous conduit à la révolution industrielle d'une façon un peu baroque, je le reconnais. La rencontre entre cet éléphant et la machine à vapeur, mais la machine à vapeur, en termes géographiques et historiques, du point de vue qui nous occupe ce matin, c'est-à-dire la marche lente, selon vous, vers un confinement progressif, et c'est un moment essentiel. Oui, on pourrait croire que ça va dans l'autre sens, puisque la machine à vapeur, c'est le chemin de fer. J'allais vous le dire, oui. Ah bon? Mais je vous en prie. D'accord. Non. J'aime mieux que vous fassiez à vous-même vos propres objections, ça permet d'en triompher plus aisément. Ça va être dur quand même, là, effectivement, parce que il se déplace, la machine à vapeur va être utilisée, effectivement, pour des déplacements plus rapides, pour justement la conquête, notamment de l'Ouest et d'un certain nombre de régions, même si maintenant le train est passé dans certaines régions du monde, comme aux États-Unis, bien derrière la. Mais la machine à vapeur, c'est surtout l'industrialisation. C'est ce qui va permettre le développement du textile sur lequel va reposer tout le capitalisme anglais et sa domination marchande au 19e siècle. Ça va permettre de fixer, puisque au 18e, début du 19e, on est encore dépendant de la force hydraulique. Donc il faut installer les usines là où il y a des cours d'eau utilisables. À partir du moment où la machine à vapeur, on n'a plus besoin de ça. On peut confiner la main-d'œuvre ouvrière dans les villes et il n'y a plus besoin de se déplacer du tout et de les faire se déplacer. Et ça va être donc tous les sorts de la révolution industrielle où les paysans faisaient encore quelques kilomètres et plus quelques dizaines de kilomètres comme les chasseurs, mais les ouvriers. Du moins dans les grandes métropoles industrielles, ne vont plus faire que quelques centaines de mètres, surtout si on les loge sur place. Donc l'éléphant à vapeur de Jules Verne n'est pas très représentatif, cette évolution. Il est représentatif du développement du chemin de fer, mais qui va au moins autant servir à amener les marchandises dans les villes et chez les consommateurs que de vraiment être une source de voyage. Ceux qui vont voyager, c'est une comme Phileas Fogg, pour rester chez Jules Verne, sont quand même une petite minorité. Donc, si je vous suis bien, il y aurait un petit nombre de gens qui bougeraient de plus en plus et une majorité d'humains que l'évolution des temps pousserait à se replier davantage sur eux-mêmes, c'est ça votre idée? L'idée, c'est que les gens qui travaillent, les forces vives, comme on dit, effectivement, sont de plus en plus immobiles. Et l'intérêt historique du confinement, ça a permis de développer un peu par force le télétravail. Il y a quelques métiers qui résistent, mais encore, par exemple, femme de ménage, technicien de surface, comme on dit, c'est de plus en plus une bonne partie commence à être robotisée. Mais sinon, effectivement, on est dans les gens sont fixés Et le télétravail, la résistance, c'est certaines entreprises où les contremaîtres ou les directeurs vont encore avoir une mentalité un peu policière et pensent que les gens vont pas travailler s'ils sont chez eux. Mais ça n'a que des avantages qu'ils soient chez eux. On n'a plus besoin de payer de locaux, de déplacements. Et avec l'informatique, on voit très bien s'ils travaillent ou pas. Donc ce sont des descendants de vos néolithiques. Voilà, un raccourci absolument. C'est la que nous frapper. C'est la logique. Si on pousse la logique, on arrive immanquablement là où on en est. Mais nous voyons aussi cela. Nous voyons cela dans le domaine de l'enseignement, bien sûr. Télétravail, enseignement. Nous avons déniché une archive qui va peut-être vous amuser, qui remonte au 27 janvier 1950. La journaliste était Marianne Monestier et elle décrit avec un mélange d'effarement et d'éblouissement un système d'enseignement par téléphone, qui a été mis en place aux États-Unis pour les enfants malades à l'époque. Les écoliers américains apprennent leurs leçons par téléphone. On vient d'inventer quelque chose de nouveau en Amérique pour permettre aux enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, de petits infirmes ou de jeunes malades, de poursuivre normalement leurs études. La classe par téléphone. On installe dans la salle de classe un micro et un haut-parleur, tandis qu'un écouteur émetteur est placé près de l'élève chez lui. Cet équipement se branche sur le réseau téléphonique normal de la ville. Lorsque l'élève appuie sur le bouton qui porte l'indication écouteur, il peut entendre le professeur faire son cours et les élèves répondre aux questions. Rien ne lui échappe, ni le froissement du papier, ni le grincement de la craie sur le tableau noir. Lorsque son tour arrive de réciter sa leçon, il appuie sur le bouton portant l'indication émetteur. Le professeur et les camarades entendent alors sa voix. Le microphone est portatif et peut être transporté de salle en salle afin que les élèves immobilisés chez eux puissent participer à toutes les classes et à toute l'activité de leur école. On utilise maintenant ce système d'enseignement par téléphone dans 12 États américains et on pense pouvoir l'employer bientôt dans d'autres régions encore. Au début, il fallait acheter l'équipement, mais maintenant, on peut le louer à la société de téléphone. C'est assez piquant, non? C'est un texte qui remonte à 70 ans en arrière. Le mouvement est enclenché. Vous devez en être assez content, Jean-Paul Demoule. Vous pensez qu'on va vers le confinement de plus en plus? Oui, absolument. C'est C'était pour vous faire plaisir, j'ai choisi ce texte. Oui, mais je reconnais votre gentillesse. Je vous remercie d'en avoir conscience. Donc, soyons sérieux, parce que c'est un sujet éminemment sérieux. Oui, l'enseignement à distance, en distanciel, il est déjà, avec les techniques de l'époque, il est déjà là. De même que nos techniques actuelles paraîtront sûrement obsolètes dans 70 ans, parce qu'on pourra certainement faire ça en 3D avec reconstitution de toutes sortes de choses qu'on peut pas encore complètement imaginer, mais on voit bien les progrès qu'ont pu être faits en seulement 70 ans, comme on le sait en informatique. Ça nous conduit tout droit à l'évolution des télécommunications, échanges, du commerce, des systèmes postaux. Aujourd'hui, on a des drones qui vont apporter des paquets chez soi. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Ça ne saurait tarder encore que j'évite de passer par ce genre d'entreprise. Pourquoi les lettres nombreuses de félicitations d'auditrices et d'auditeurs vous sont apportées de la sorte. J'en prends l'engagement. Oui, bon, d'accord. Oui, merci. C'est vraiment gentil. Alors, parce qu'on vient depuis loin en arrière, depuis l'aéropostale, le Mermoz, jusqu'à ces drones en question. Oui, bien sûr, et de même qu'on a vu, les plus âgés d'entre nous ont connu les pneumatiques, même les télégrammes, etc. Il y a un film de Truffaut magnifique, où c'est Delphine Seyrig qui court, c'est Jean-Pierre Léaud qui court derrière un pneumatique qu'il a envoyé dont il regrette l'envoi. Ne nous égarons pas. C'est bien le sujet tout de même. Oui, absolument. C'est le fait que effectivement c'est de plus en plus rapide, que effectivement la poste, on a séparé les postes télécoms parce que la poste n'était pas rentable, donc on peut pas la privatiser, tandis que le télécom c'est de plus en plus, donc on la privatise et on sait qu'il y aura de moins en moins de courriers effectivement, et on attend la disparition des dernières générations qui étaient attachées. Il y a un personnage à la pensée duquel vous attachez du prix, c'est Ivan Illich. L'homme de Guernavaca, sur lequel d'ailleurs un livre vient d'être publié aux éditions du Seuil. L'œuvre de Illich est largement concentrée sur cette question du confinement, c'est pas le mot qu'il emploie, mais notamment de la vitesse. Je lis ceci, peut-être pourrez-vous le commenter à propos de la voiture. C'est un extrait d'un livre qui s'appelle « Énergie et équité ». 1972, l'Américain moyen consacre plus de 1600 heures par an à sa voiture. Il y est assis, qu'elle soit en marche ou à l'arrêt, il la gare ou cherche à le faire. Il travaille pour payer le premier versement comptant ou les traites mensuelles, l'essence, les péages, l'assurance, les impôts et les contraventions. De ses 16 heures de veille chaque jour, il en donne 4 à sa voiture, qu'il l'utilise ou qu'il gagne les moyens de le faire. Donc la voiture permet de bouger, mais en même temps elle vous fige. Oui, c'est pour ça qu'il a calculé qu'on n'allait pas plus vite en fait en voiture qu'en vélo, parce que si on prend tout le temps, toute l'énergie, notamment pour payer sa voiture et payer l'entretien, le parking, etc., l'assurance, eh bien, en fait, le vélo est à peu près aussi rapide. Alors, je voudrais vous offrir une autre archive que j'ai trouvée également piquante, qui remonte, elle, à 1980, il y a donc 40 ans et pas 70 ans. C'est le journaliste Laurent Broumède qui décrit les possibilités futures de la télématique, c'est le mot de l'époque. C'est un extrait de l'émission Futura de Jacques Pradel, qui était consacré à la télévision du futur. Vous allez voir, est-il prémonitoire ou non? Écoutez. L'écran de télévision s'est tellement implanté, devenu tellement familier, qu'on va essayer de le mettre à toutes les sauces. On va le brancher globalement à un réseau téléphonique et derrière le réseau téléphonique à un ordinateur. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Eh bien, à Vélizy, près de Paris, avec Télétel, toute la population va être reliée par téléphone à un ordinateur central qui pourra interroger en permanence avec un clavier tout bête mis à côté. Il pourra lui demander les horaires de train, les dernières places de théâtre. Il pourra commander ses courses dans un magasin spécialisé à la vente par correspondance. Il pourra faire tout ce qu'il voudra, louer des places de théâtre, connaître les cours de la bourse, de la météo, trouver des différents renseignements équivalents qu'on trouve dans ce genre de gros dictionnaire bourré de chiffres, vous savez, un peu statistiques. Bon, est-ce que ça marchera ? Est-ce qu'il utilisera ? On pense que ça marchera. C'est complètement dément a priori, pourtant c'est vrai. Il est question en Ille-et-Vilaine, et on va le faire, d'équiper les abonnés. Tous auront un poste de télévision petit en noir et blanc chez eux qu'on va leur donner. On va leur donner un poste de télévision supplémentaire branché sur le téléphone. Ils l'intervieweront pour savoir quel est le numéro de téléphone de Monsieur Dupont du Broc. C'est quand même extraordinaire. Et en plus, ils pourront s'en servir pour regarder la télé ? Non, malheureusement pas. Mais un jour, on pense que derrière ce même récepteur pourrait servir à rentrer en relation avec le fameux ordinateur et à ce qu'il y ait une interaction, une action du téléspectateur sur l'ordinateur central pour interviewer. Alors, de là à penser qu'un jour, on a l'écran de télévision classique mis au milieu de la pièce. En dessous, un magnétoscope. À côté, un câble avec des programmes. Un vidéodisque pour les produits de grande consommation. Un téléphone à côté pour éventuellement faire apparaître l'image du correspondant, c'est une question de fréquence. Le même téléphone pour relier le poste à un ordinateur, à la banque, et après au bureau. Et la secrétaire, elle pourra travailler de chez elle. On pourra brancher dessus un téléx, un télécopieur qui enverra les journaux par facsimilé, une machine à écrire qui transmettra directement. On pourra travailler chez soi et votre patron ne pourra pas vérifier si au lieu de taper le texte, vous ne regardez pas Antenne 2. Le public rit, mais c'est pour ça que j'ai choisi que j'ai choisi ce texte, que je trouve en effet assez piquant de voir la manière dont, il y a 40 ans, on imagine notre actualité. Du point de vue qui nous occupe, c'est-à-dire progrès du confinement, vous en tirez quelle leçon, Pour un archéologue, ce qui est intéressant, c'est cette longue liste d'objets archéologiques qui, finalement, n'existe déjà plus, puisqu'il y avait il est question notamment, sans le nommer, du Minitel, qui était une avancée extraordinaire et qui, finalement, a été dépassée par la micro-informatique. On le trouvera dans les fouilles dans 2000 ans. Oui, absolument. Ça intriguera. Nous, les archéologues, on arrive toujours à résoudre les problèmes. Et, je félicite. On voit comme en 40 ans comment effectivement c'était, même si le matériel maintenant est obsolète, si on est complètement dans la ligne de ce qui était annoncé. Alors, un autre sujet qu'il faut évoquer brièvement, quelle place faites-vous à la guerre dans cette manière que vous avez de brosser sur la très longue durée l'idée que nous sommes de plus en plus confinés? La guerre, ce n'est pas le confinement. Ceux qui sont sur le terrain sont pas confinés, mais maintenant l'essentiel des guerres, on le voit chaque jour. Maintenant, elles se gagnent depuis les postes de commandement qui, à des milliers de kilomètres de distance, vont pouvoir envoyer des missiles ou des drones. Et si un jour on a vraiment la guerre des étoiles, dont on nous parle déjà depuis plusieurs dizaines d'années, c'est pareil. Ça sera depuis des postes de commandement. Ça sera pas le déplacement. Ça a possibilité de paralyser toutes les communications des autres, d'envoyer des engins de mort, mais c'est plus Napoléon. Alors, je reviens, parce que nous allons malheureusement devoir bientôt nous quitter, à certaines objections pour bousculer votre thèse. C'est mon rôle. D'abord, il y a toutes les migrations journalières, pendulaires, à quoi nous assistons. Et puis, il y a le tourisme. Il y a les croisières, l'impression que les gens ont de plus en plus la bougeotte. Sur les migrations pendulaires, c'est le fait qu'effectivement, une partie, contrairement à la logique que je décrivais tout à l'heure, où les gens sont confinés dans les villes, c'est contrarié par l'explosion du prix des loyers dans les grands centres-villes, si bien que les travailleurs sont obligés d'aller à l'extérieur de plus en plus loin. Ils sont donc pas confinés puisqu'ils reviennent dans la ville. Oui, ils sont obligés de revenir pour travailler, effectivement, se déplaçant beaucoup, et c'est une raison principale de la crise des gilets jaunes, où j'ai été frappé du fait que parmi les commerces qui étaient saccagés en priorité, c'était les agences bancaires, celles qui prêtent pour acheter une maison, mais aussi les agences immobilières. Alors le tourisme de masse, les croisières, Costa Brava, etc., ces grands bateaux qui parfois se renverse. Le tourisme, effectivement, d'une part, c'est une invention très récente, hein, ça date du 18e siècle, à part les lords anglais qui faisaient le grand tour. Ça ne concerne qu'une petite partie de l'humanité, hein. Il y a, je crois, plus de 40% ou 50% des Français qui ne partent jamais en vacances, et là, il s'agit de la 6e ou 7e puissance économique mondiale. On est obligé de restreindre de plus en plus des sites archéologiques, sans même parler des grottes peintes, justement, Karnak, Stonehenge sont fermés. On y pense pour le Machu Picchu, même le Mont Blanc commence à être contingenté. Donc il y a un vrai problème. Et les croisières dont vous parlez, ben effectivement, on confine 3000 personnes dans une boîte métallique flottante, on les débarque, on les met dans des boîtes roulantes qui s'appellent les autobus, on les amène sur le site, ils regardent un peu, ils ont une demi-heure, surtout pour acheter des souvenirs, et puis on les ramène dans la boîte. Donc est-ce que c'est vraiment un grand déplacement? C'est relatif. Oui, il faudrait aussi évoquer, mais nous n'avons pas le loisir, les migrants, les migrations de tous les malheureux que l'époque jette sur les routes. Les gens qui migrent pour des raisons économiques, politiques ou climatiques, c'est pour aller se confiner ailleurs. Ils veulent pas continuer à se déplacer. Ils veulent s'installer dans un endroit plus agréable. Leur but, c'est pas de bouger. En anglais, on dit « toucher ». Je vous rends les armes. Oui. Il est normal que, par courtoisie et parce que je suis convaincu, je vous laisse le dernier mot à cet égard. Non sans citer vos livres. Bibliographie, transition. D'abord, ce livre important qui s'appelle Les dix millénaires oubliés qui ont fait l'histoire quand on inventa l'agriculture, la guerre et les chefs. On est là au cœur de la démonstration que vous avez bien voulu nous proposer tout à l'heure. Je citerai aussi votre ouvrage qui s'appelle « Aux origines, l'archéologie, une science au cœur des grands débats de notre temps », à la découverte, tout récent. Il a souffert du virus. Oui, puisque les librairies ont été fermées, il est paru en janvier. Donc il n'a pas bougé autant que vous auriez voulu. Non, malheureusement. Mais... Et puis nous vous avions invité pour une réflexion très précieuse sur les Indo-Européens. Mais où sont passés les Indo-Européens? C'était un livre de 2014, « Au seuil ». Vous trouverez, vous le savez, une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez, chez vous, naturellement, confiné, écouter, réécouter et podcaster cette émission. Jean-Paul Demoule, vraiment, merci beaucoup d'être venu ici à Blois devant notre public pour traiter de ce beau sujet. Samedi prochain, nous retrouvons notre très cher Michel Pastoureau. qui viendra nous parler, vous savez à quel point il aime évoquer les animaux, les emblèmes, etc., et avec un talent hors de pair, il viendra nous parler du taureau, emblème et enjeu. On parle un peu de la corrida, j'en préviens les passionnés qui nous écoutent, mais assez peu, parce que je ne veux pas avoir une avalanche de courriers. C'était un camarade de classe, d'ailleurs, on était au lycée ensemble. Ah, bravo, on retrouve les lieux clos. Oui, absolument. Eh bien, je vous en félicite, car c'est un homme excellent et un historien admirable. On voit que c'était une classe très précieuse. Oui, absolument. Il y en avait d'autres dans la salle qui ont une brillante carrière. Les deux seuls. Lycée Michelet avant. Mais un peu moins. Nous retiendrons l'adresse. Lundi matin, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire de Xavier Mauduit qui parlera de l'histoire du travail à domicile. Ils ont grandi en Australie. Ils se sont aimés à Paris. Mais ils s'en vont encore d'ici, les nomades. Ils ont habité la roulotte, les quatre planches qui cartent, de Saint-Ouen au Sainte-Marie. Mais ils s'en vont encore d'ici, les nomades. Ni la couronne d'oranger, ni la cheminée de faux marbre ne leur mettra si aux pieds. Ils ne sont pas comme les arbres, les nomades. Ils vont tout vivre de l'île en plein. Eh bien, les applaudissements vous rappelleront que nous sommes à Blois, au rendez-vous de l'histoire. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum. Et je remercie spécialement, puisque nous sommes en déplacement, les équipes de Radio France et du Festival, Fabien Gosset, Georges Thau, Éric Audra, Jean-François Georges et Benoît Gégou. Avec aussi François Merlin à la discothèque, Anne Delaveau pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et je vais vous quitter avec la satisfaction de passer dans un instant, toujours sur la musique de Jean Ferrat, les Nomades, de passer le micro à notre consoeur Christine Ockrent qui va s'installer sur la table où nous sommes. Merci encore d'avoir été si nombreux et si affectueux. La peur de mourir un jour dans quelque ville frontalière sans tenir la main d'un amour ne les arrête sur la terre les nomades. Et quand on voit sous les platanes passer les mulets et les ânes, on a beau être des profanes, suivre la caravane des nomades.